Laisse-moi la gamelle, je veux pas grignoter de la chandelle. Plaisir éphémère, que l'on retrouve dans un joint de terre. Reste légendaire, dites au président que c'est un lâche. Sans manger des mères de famille, font des vols à l'étalage. On prend les choses en main, loin des salopes. Si demain matin je me lève, je prends ça comme pour les salopes. Bien sûr, si je me fais péter, je suis mort pour un moment. Rien à foutre de cet inconvénient, je vais faire pleurer maman. Faire pleurer maman, c'est la tempête. Et je perds la raison, je pourrais mettre une rafale à ton père. Elle s'adapte comme un bigot qui parle entier. Bien sûr, je suis comme tout le monde, je suis unique à part entière. Pour que je mette la porte, je pourrais pas toquer des heures, je t'assure. Tellement j'ai les nerfs, des fois je pourrais tronquer des hommes. On aime compter les sommes, et moi c'est ce qui nous perd. Achète ce qu'il te plaît, et sans compter les sols. Life is what you make it, it depends on what you think means. We do that in the street, fucking with Mrs. Street. Life is what you make out, it depends on who you are. Des chanteuses qui ne savent même pas faire la vaisselle. C'est compromettant. Les mecs rap sont pas dans les temps. Bref, c'est de la merde, je vais pas trop m'étendre. Parfois, me dit-on, je préfère un vodka pomme. Si t'es un menteur, j'irai pas dessus de pas ta porte. En ce moment, ça va. Plus je mange, j'ai l'appétit, je découvre. Hey, plus je te regarde, plus tu me t'écoutes. Les frères victimes t'écoutent, les toilettes du placard. Il faut qu'on serre les coudes, sors les joujoux de la cave. Life is what you make it. It depends on what you do. Je sais à qui je dis bonjour. Pour m'apaiser, j'ai besoin de paquis ou de bonjour. Me paraît pour la victoire, car l'échec qu'on l'a. Besoin de me vider la tête, faire du jet au large. Me faire discret avant de barber vos bijoux. Pas besoin d'une nouvelle puce, ça change déjà tous les 10 jours. Il ne faut pas avoir l'instinct en fait du doute. Ça fait mal comme rêver des pas à m'assoper d'une tour. Pour tout retirer le sale et moi on est passé. La bourgeoisie est un gros luxe auquel peu de frères vont taxer. Tu sais, une fois que c'est la merde de ton frigo, c'est pas eux qui vont t'aider. Gros, vraiment ça, je l'ai appris tôt. Ah, on est pas du palacio. Moi, comme je bourse pour la rue, j'allais en tôle en talasso. Condamné à faire l'assaut pour quelques cigarettes. À 16 ans, je voulais vivre ma vie en faisant ce qu'un rêve. Life is what you make it, it depends on what you deal with. We did ya in the street, smoking with Mrs. Street. Life is what you make for, it depends on who you are. Put them aside before.